Mitterrand, le hamster, dans un bougeant son derrière, il ramasse rapidement ce que laissent tomber les enfants. Mitterrand, le hamster, ne sait plus très bien quoi faire, y'a plus rien à croûter dans ce putain de poulailler. Et v'là cratim le fermier, une grosse cloute au bout du nez, que va-t-il donc se passer? Le paysan qui n'a rien vu se gratte le trou du cul et balance un rond qui pue. Le hamster pas très clair est caché derrière une boîte, la peur l'a rendu tout vert. Je pense qu'il a les pattes moites. Le hamster qu'à la trouille tremble comme un véritable vibromasseur adaptable sur le secteur. Le paysan soupçonne, se demande pourquoi ces poules qui d'habitude sont très cool discutent derrière un pneu. Elle discute syndicat, sont contre les œufs au plat. Elle réclame plus de graines et moins de pubs sur les trois chaînes. Des conditions de vie plus saines, quel dimanche on les promène avec des chaussettes en laine. Le paysan en est baba, il n'avait jamais vu ça. Des poules qui veulent faire la loi. Le hamster est content, il a semé le boxon. On le prend plus pour un con, paraît qu'il est président. Le paysan pendant ce temps téléphone à ses amis. Il faut qu'il prépare un plan pour rester maître chez lui. Allô, le mairie de Paris? Oui. C'est toi, Jean? Écoutez. Voilà, j'ai un problème. Écoutez, mon vieux, moi aussi j'ai un problème. Écoutez donc. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha